20 capitaux qui entourent nos sens. Vois dans tes yeux qui voient que je pense à te regarder, te scruter jusqu'au fond de toi. C'est au-dessus d'un toit que je rêve de toi. Sauvage et délicieuse, blanc intense. Romance enivrance, flèche que je lance à travers un cœur tel un cupidon fou. Notre union est très importante. Cela que je pensais sous la tente, Louise était déjà là, ici-bas, avec nous. Tes yeux de louve me rendent comme un ours, prêt à sauter de joie, à hurler, à aboyer. Gâteau sorti du four qui sent bon l'amour. Si tu m'étais inconnu, je courrais t'embrasser.